Chapitre 17. Les chasses du curé. C'est à croire positivement que la chèvre existe. Depuis le jour où, tirant sur sa pipe et raillant, patron ruffement parlait à la calanque d'aigle sèche. Depuis ma rencontre le soir, dans le vallon, avec Mise et Jeannot, car tout le monde l'appelle mademoiselle, l'espiègle et cabriolante favorite de Norette. Et la trouvaille que je fis d'une clé de collier perdue par elle. Voici la troisième fois que cette endiablée chèvre d'or se met en travers de mon chemin. Dieu sait que j'étais venu au puget mort, sans intention criminelle, et que certes, en arrivant, je songeais à tout, excepté à la chèvre d'or. Mais pour qu'on me soupçonne, puisqu'on m'accuse, puisque Galfard et le ciel lui-même semblent d'accord pour m'y pousser, je vais délibérément me mettre à la recherche du joli monstre au pelage roux. Et, je le jure par ses cornes, avant 8 jours, j'aurai découvert ce qui se cache de vérité sous la pittoresque légende à travers laquelle il galope. Qui interrogeait cependant? Les gens du village? Ils sont, hélas, peu communicatifs. Et la moindre question imprudemment posée leur ferait partager aussitôt les méfiances dont Galfard m'honore. Monsieur Honorat, selon ce que Gantôme m'a rapporté des discours de Galfard, les Gazans doivent être plus ou moins directement mêlés à ces histoires de trésors cachés et de chèvres. D'ailleurs, comment parler de la chèvre d'or à Monsieur Honorat sans lui parler aussi de la mystérieuse clochette? Or, Norette, pourquoi exige que je me taise sur ce point? D'un autre côté, marcher seul ne me paraît pas bien commode. Le hasard m'a secouru en emmenant chez moi l'abbé Seb, juste au moment où, en désespoir de cause, je m'apprêtais à me rendre chez lui. Nous sommes maintenant amis inséparables. Je me sentais d'abord médiocrement porté, à vrai dire, vers ce garçon trop bien portant, parlant haut, buvant dur, d'allure restée paysanne et plus semblable avec sa soutane rapiécée, sa barbe qu'il rase seulement tous les 8 jours, à un marabout musulman qu'à un ministre de l'Évangile. Mais il tenait à faire ma connaissance, et vers quelques points de l'horizon que je dirigeasse mes promenades, j'étais certain, dans les sentiers caillouteux, blancs sous le soleil, d'apercevoir doublé par son ombre la noire silhouette de l'abbé Seb. Je le fuyais, évitant son coup de chapeau, craignant qu'il ne voulût me convertir. Erreur! L'abbé Seb laisse la gloire et le souci des conversions à de plus dignes. Il baptise, marie, enterre, se fiant au Père éternel pour le surplus et très satisfait s'il réussit à mener, sans trop d'accidents, d'un bout à l'autre de l'année, le troupeau mécréant dont le testin l'a fait pasteur. Le matin, où vaincu par tant d'insistance, je m'arrêtai et lui parlai, à travers la brosse de sa barbe, sa peau brune se colora d'une enfantine rougeur. Et cet homme de Dieu, incapable de dissimuler une vraie joie, m'écrasa les phalanges d'une poignée de main si cordiale que tout de suite je devinai qu'avant de porter calice et ciboire, il avait, montagnard frotté de latin, appris à l'étable, pendant l'hiver, plusieurs années, pousser la charrue dans l'humble ferme paternelle. Savant à sa manière, grand amateur de pots cassés, grand collectionneur des sous antiques que les paysans ramassent parfois à fleur de sol après la pluie et ne rentrant au presbytère que les poches bourrées de cailloux. L'abbé Seb, depuis que M. Honorat, aimable jadis s'enfonce dans une paresse de plus en plus turque, n'est pas fâché de trouver quelqu'un à qui confier le trop-plein de ses observations et de ses pensées. Je m'intéresse au Romain qu'il aime. Lui s'efforce, sans bien comprendre, pour s'intéresser à mes recherches, mi-partie rustique et sarrasine. Mais c'est mon fusil, j'en suis certain, qui finira par faire de lui un orientaliste distingué. Oui, mon fusil. Lorsque je vais à travers champs, j'emporte toujours un fusil en matière de contenance. Chasseur dans l'âme et fin tireur, l'abbé souffrait de me voir promener, sans jamais m'en servir, ce fusil ridiculement inutile. Un jour, loin du village et sûr de n'être vu par personne, il me le prit des mains, histoire de rire, pour essayer. Il essaya et tua un lièvre. Le lendemain, il essayait encore et décimait une compagnie de perdrix. Deux fois, je rapportai mon carnier plein, ce qui, tout en stupéfiant Monsieur Honorat, me donna de la considération dans le village. Et depuis, c'est chose entendue. Quand nous sortons, ma cueillette érudite faite, je m'étends à l'ombre d'un roc, sous un arbre, et livre le fusil avec les cartouches au bon abbé, qui, la soutane retroussée, montrant ses souliers à clous, son pantalon de bure roussi dans le bas par la terre, se met à poursuivre perdrix et lièvre. Nous y trouvons notre compte tous les deux. L'abbé, pris d'une subite ferveur scientifique, m'indique des restes curieux de construction, me signale les noms de famille ou de quartier, paraissant se rattacher à l'ensemble de mes recherches. Mais, coïncidence bizarre, partout où l'abbé connaît quelque chose qu'il juge digne de m'être montré, nous rencontrons toujours par surcroît un lièvre qui attend au gîte ou des perdreaux mûrs pour le plomb.